السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. Pour résumer le cours de la semaine passée concernant le mariage de ceux qui ne sont pas musulmans. Donc la base et l'authenticité du mariage. Même dans le cas où chez nous, le mariage ne remplit pas les règles, les conditions, il est valable si chez eux, ce mariage est accepté et valable. Et le deuxième point, c'est qu'ils ne sont pas venus nous voir avant. Ils ne nous ont pas demandé de juger leur cas. Car le cas étant, ou dans ce cas-là, nous on jugera selon la droiture qui nous a été et la justice qui nous a été est révélée. Donc je répète, si le mariage, à la base, ne remplit pas les normes, on reconnaîtra malgré tout ce mariage sous deux conditions. Premièrement, que chez eux, il soit valable. Dans leur législation, qu'il soit valable. Et la deuxième condition, qu'il ne soit pas revenu à nous pour qu'on juge entre eux au préalable. S'ils viennent nous voir avant ce mariage, alors on jugera selon ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé. Car Allah azza wa jalla nous dit: فَإِنْ جَاءُكَ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطَ. S'ils viennent à toi, juge entre eux en toute justice, c'est-à-dire selon ce qu'Allah Azza wa Jal a révélé. Et dans le cas où ils nous viennent après leur mariage, alors on regardera la situation présente et actuelle. Si la femme lui est licite au moment où ils nous viennent, c'est-à-dire qu'il aurait pu l'épouser, alors on maintient ce mariage et on le reconnaît. Dans le cas où, présentement ou bien à ce moment même, à l'instant T, elle ne lui serait pas licite, alors on les sépare. Le premier exemple serait le cas de celui qui a épousé cette femme alors qu'elle était fi iddatiha, dans sa période de vie d'huit. Et il vient nous voir pour cela. On lui dit c'est pas bon. Parce qu'elle est dans la idda. Une fois qu'elle finira la idda, tu pourras. Le deuxième cas, il vient nous voir après. C'est-à-dire qu'au moment où elle l'a épousé, certes, elle était dans sa période de viduité, mais lorsqu'il vient nous voir, donc après le mariage, on voit que ça fait 6 mois qu'il est marié, que la période de viduité est passée depuis, par exemple, 4 mois. Ben, on maintient ce mariage et il est valable. Pourquoi ? Parce que lorsque c'est déjà passé, on regarde la situation actuelle. Est-ce qu'elle lui est licite aujourd'hui ou non ? Et dans le cas où elle ne lui est pas licite, c'est la séparation. L'exemple serait le cas de la femme qui est encore dans sa iddah. Naam. Voyons maintenant cette situation dans laquelle il y a une conversion à l'islam. De l'époux ou bien de l'épouse. Quelles en seront les conséquences? Le premier cas, قبل الدخول, si cela a lieu après l'acte de mariage, mais avant la consommation du mariage. Dans ce cas-là, batul al-aqd. Dans ce cas-là, le contrat de mariage devient caduque. Pourquoi? Parce que la femme est musulmane, elle a embrassé l'islam. Et l'homme ne l'est pas. Donc, elle ne lui est pas licite en islam. Ainsi, il y a l'annulation du mariage. Le deuxième cas, c'est l'homme qui se convertit et la femme n'est pas musulmane. Quel est le jugement du mariage? Lorsque c'est la femme qui s'est convertie, on a dit que c'était quoi le jugement? Il est caduc, le mariage devient caduc, le contrat devient caduc. D'accord. Dans le cas contraire, c'est l'homme qui se convertit. Quel est le jugement du mariage? Ça dépend de la situation de la femme. Comment? Si elle est des gens du livre, qu'est-ce que se passe-t-il? Si elle fait partie des gens du livre, alors on maintient le mariage. Pourquoi? Parce qu'elles lui sont licites. Et dans le cas contraire? Oui? Il est caduc. Est-ce que c'est compris? Dans le cas où lui se convertit, on regarde la situation de la femme. Si elle fait partie des gens du livre, le mariage est maintenu. Car elle lui est licite. Car elles lui sont licites. Et dans le cas où ça n'est pas une des femmes des gens du livre, alors elle ne lui est pas licite, c'est l'annulation du mariage. Un autre cas de figure, in aslama zaujan, dans le cas où les deux se convertissent. Quel est le jugement du mariage? Non. Dans le cas où les deux se convertissent cette fois-ci. Ça dépend l'intervalle entre les deux. Si les deux se convertissent en même temps, alors le mariage est maintenu. Et a le jugement de en même temps dans la même assise. On dicte l'attestation de foi au frère ou à l'homme. Naam. Et quelques minutes après, à la femme. Ça a le jugement de en même temps. Mais s'il y a un délai, alors selon ce qu'on vient de dire, il y aura une annulation du mariage. Il y aura une annulation du mariage. Donc, Ibn Qudama rahimahullah ta'ala dit si leur conversion a lieu dans la même assise, alors ça a le jugement d'avoir lieu en même temps. Il n'y a pas besoin de refaire le mariage. On a vu que si la femme faisait partie des gens du livre et que lui se convertissait, pareillement, c'est valable, il n'y a pas besoin de refaire le mariage. Car majaza btida'an, ce qui est permis, ce dont le commencement est permis, c'est-à-dire qu'à la base même, lui est déjà musulman et il va épouser une kitabiyya, une femme des gens du livre, ça lui est licite. À plus forte raison, lui n'était pas musulman et il entre en islam et c'est déjà son épouse. À plus forte raison, il peut la maintenir. Donc je disais, فَمَا جَازَ ابْتِدَاؤُهَا جَازَ دَوَامُهَا. Dans le cas où cela se produit avant la consommation du mariage, est-ce que la femme aura la idda à observer? Est-ce qu'elle devra observer la période de viduité? Non, elle n'aura pas de idda à observer. L'autre question, est-ce que lui revient de droit la dot? Le premier cas, qabla ad-dukhul, avant la consommation du mariage. Si cela a lieu avant la consommation du mariage. La femme entre en islam. On annule le mariage. L'homme, lui, n'est pas musulman. Dans ce cas-là, la hanisul maha. Ibn Athaymin rahimahullah dit dans ce cas-là, elle a la moitié de la dot. Elle a la moitié de la dot. Contrairement à ceux qui ont dit, vu que c'est elle la cause de l'annulation du mariage, et la règle est que lorsque c'est la femme la cause de l'annulation du mariage, elle n'a pas, ça ne lui revient pas de droit. Ben n'a pas de date. Ibn Uthaymin dit non. Ici, c'est plutôt lui qui a en tort et lui qui a tardé à embrasser l'islam. Et elle n'est la cause que de bien. Donc lui reviendra de droit la moitié de la date. Dans l'autre cas, c'est lui qui embrasse l'islam et c'est elle qui tarde. Le mariage est annulé et elle a la moitié de la dot. Pourquoi? Parce que c'est elle la cause. Dans ce cas-là, c'est elle la cause. Donc elle a la moitié de la dot. Maintenant, on va passer au cas où il y a eu consommation du mariage. Dans le cas où il y a eu consommation du mariage. Certains savants ont dit, s'il y a conversion, on va attendre jusqu'à la fin de la période de viduité de la femme. Elle entre en islam, on les sépare. Puis on regarde si lui, il va suivre avant la fin de sa iddah, avant la fin de sa période de viduité. S'il embrasse l'islam avant la fin de la période de viduité, alors le mariage est valable. Naam, il n'y a pas besoin de refaire le mariage. Dans le cas contraire, il y a l'annulation du mariage. Il y a l'annulation du mariage. Et elle a sa date. Elle a sa date, car le mariage a été consommé. Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala nous dit que la vie prépondérante dans cette question est de dire qu'avant la fin de la période de viduité, avant la fin de la période de viduité, si l'homme se convertit également, alors le mariage reste sans avoir besoin de l'avis de la personne concernée. Le mariage est maintenu. Mais après la période de viduité, la femme aura le choix. Si elle veut, elle se remarie. Et si elle veut, elle ne se remarie pas. Et si lui, plus tard, embrasse l'islam, il pourra revenir à elle avec sa permission. Avec la permission de la femme. Avec la permission de la femme. Donc ça revient au bon vouloir de la femme. Si elle veut maintenir ce mariage ou non. Ou si elle veut, donc si elle veut, elle se remarie. Si elle le souhaite, elle ne se remarie pas. Et si lui, plus tard, se convertit à l'islam, même après des années, il pourra revenir à elle. Si elle l'accepte. Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, pour preuve, a cité le cas de la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Zaynab, radiallahu anha, qui s'est convertie au début de l'avènement de l'islam. Mais son époux, lui, Abu al-As ibn al-Rabi', ne s'est pas converti au début de l'islam, mais tardivement. Il s'est converti après l'Égypte. Sachant que le prophète alayhi salatu wassalam est resté combien de temps à Mecca? 13 ans. Naam. 13 ans. Et son islam à lui a eu lieu environ 15 ou 16 ans après le début de la révélation. Donc 3 ans après l'Hijra. 3 ans après l'Égypte. Malgré ça, il est revenu. Donc, sans refaire de mariage. Il est revenu sans refaire de mariage. Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala nous dit, vu qu'il y a cette preuve, c'est l'avis prépondérant. C'est l'avis prépondérant. Et là, une grande question. Dans le cas où l'un des deux époux délaisse la salat, quel est le jugement de ce mariage? Dans le cas où l'un des deux époux, puisse Allah nous en préserver, délaisse la prière, commet cet acte des plus gravissimes, commet ce péché majeur et très grave chez Allah tabaraka wa ta'ala, gravissime chez les serviteurs d'Allah tabaraka wa ta'ala. Les savants divergent quant au jugement du mariage. Et sachez qu'Ibn Athaymin rahimahullah ta'ala nous dit qu'on appelle cette personne-là au repentir. Et dans le cas où il ne se repent pas, il ne reprend pas salat, alors le mariage est annulé parce qu'il est sorti de l'islam. Subhanallah. C'est extrêmement grave. Pourquoi? Car le prophète alayhi salatu wassalam nous dit العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. La limite entre nous et eux est la prière. Celui qui la délaisse aura certes mécru. Donc l'avis d'Ibn Athaymin rahimahullah ta'ala de beaucoup parmi les illustres savants est que celui qui délaisse la salat, c'est-à-dire toutes les salawat, il ne prie plus, il abandonne, il ne prie pas certaines salawat et il en délaisse d'autres. Non, il délaisse du fajr au isha, il ne prie pas. Il vit une vie animale, du matin au soir, il ne pose pas son front par terre, il ne fait pas el-wudu. Il vit exactement comme celui qui ne croit pas en Allah tabaraka wa ta'ala, comme celui qui ne croit pas au retour vers Allah tabaraka wa ta'ala. Il vit exactement comme celui qui ne croit pas au prophète sallallahu alayhi wa sallam et ne l'aime pas. Il vit comme eux du matin au soir. Ibn Athaymin rahimahullah ta'ala dit lui, il n'a plus d'islam. Alors, il n'est pas permis à l'autre, au conjoint, de rester dans ce mariage-là. Mais plutôt il s'annule. Et il n'est pas permis de maintenir ce mariage. Quand à d'autres parmi les savants, eux disent que c'est un péché majeur, et c'est une mécréance mineure, pas celle qui fait sortir de l'islam. Ainsi, ils disent qu'on appelle la personne au repenti, mais que ça n'invalide pas le mariage. Mais c'est une cause légitime pour demander la séparation. Voici pour ce chapitre. Passons maintenant à Bab al-Sadaq. Et avant ça, une nasiha, un rappel, c'est que certaines personnes disent un prétendant est venu demander ma fille, ma soeur, ma nièce, ma cousine, et on me demande de me renseigner sur lui. Et masha'Allah, il est gentil. Il est généreux, il a une bonne qualité sociale, il a tel travail, il a telle richesse. Et il est bon envers ses parents, il dépense beaucoup, kada, donc j'ai... Et Ali, qu'est-ce que tu me conseilles? Qu'est-ce que vous remarquez dans sa description? Ne manque-t-il pas quelque chose d'essentiel? Il ne parle pas de religion. Ça, c'est une faute gravissime, subhanallah. C'est la base. C'est la base, c'est le socle, c'est le fondement. Mais il ne met pas en avant dans son analyse et il n'interroge pas sur la religiosité du prétendant. La première chose à savoir, c'est est-ce qu'il est à la aqidatu salima sahiha? Est-ce qu'il a une bonne croyance? Yu'minu billahi wal yawmil akhir. Est-ce qu'il est à la sunnah? Est-ce qu'il fait salat? Est-ce qu'il fait salat correctement? Et ainsi de suite. Et de là, il dit, je vais accepter parce que il est patron de telle entreprise, ou il a telle société, ou il a tel CDI, ou il a telle voiture, ou c'est le fils d'un tel, ou c'est mon neveu. Subhanallah, il ne fait pas salat. Même si c'est toi qui l'as élevé, et même s'il est millionnaire, milliardaire, si tu la maries à ta fille, tu auras commis une khiyana, une trahison. Tu auras trahi le dépôt. Comment est-ce que tu peux la marier à une personne qui salit pas? La khayra fi man la yusalli. Il n'y a pas de bien en la personne qui ne fait pas ça. Man la yu'adhim amr Allah, la khayra fi. Celui qui n'immensifie pas l'ordre d'Allah, qui ne respecte pas Allah, qui ne pose pas son front, pour Allah Azza wa Jal, quel bien y a-t-il en lui? Wallahi, tu maries cette femme dont tu as la responsabilité à un pauvre. Na'am. Qui coupe du bois dans la forêt pour vendre ce bois. Na'am. Mais qui prie. C'est meilleur que de la marier à un millionnaire qui ne fait pas salat. Ce dernier n'a pas respecté Allah ni ses ordres. Tu penses qu'il va te respecter toi dans ton honneur, dans ta fille, dans la femme de ta famille? Subhanallah, quel bien il y aura s'il la fait vivre dans un palais et il déverse sur elle comme on jetterait des pétales de rose, des billets. Et tous les jours, il inonde la maison d'argent. Mais ses enfants qui vont venir, et cette femme au quotidien, elle n'entendra jamais la parole d'Allah Azza wa Jalla. Jamais la parole du prophète alayhi salatu wassalam. Jamais ses enfants ne verront une prosternation de leur père. Dans quoi est-ce qu'ils vont grandir? S'ils disent qu'ils sont à l'époque du capitalisme, qu'est-ce qu'on va dire de ça? C'est pire encore. Non. Et le foyer, il repose sur le père. Et l'autorité dans le foyer, c'est chez le père. Il se peut que la femme cherche le bien et veuille le bien, mais elle n'a pas autorité sur son époux pour décider. Si lui veut faire entrer le haram dans le foyer, qui est-ce qui pourra l'empêcher? Non. Si lui il veut les égarer, qui est-ce qui pourra les empêcher? Si ce n'est Allah tabaraka wa ta'ala. Donc cette question n'est pas à prendre à la légère. La question de la salat. La question de la salat. Certains parmi les ulama ont dit, il délaisse la salat et on lui laisse 3 jours. On fait le nasha wa kada wa kada. Passer ce délai-là, l'homme a l'obligation de récupérer sa fille. Il n'y a pas que quelqu'un m'a eu sa vie. Subhanallah. Donc dans le descriptif, dans l'analyse, dans le choix, à la tête, il y a l'aqidah, il y a salat, il y a tadayyun. Il y a la religiosité de la personne. Et parmi les crimes que tu trouves, lui, il demande la fille d'un tel. Il dit non, parce que lui, il n'est pas de notre village. Non, il n'est pas du Mahda, il n'a pas le même pays. Non, même si, subhanallah, ils ont la même langue, c'est des voisins, la même couleur. Puis, il la marie à une personne du village qui ne fait même pas salat. Il ne fait même pas salat. Il la marie, il l'a élevé cette fille. C'est fatigué pour cette fille. C'est levé la nuit pour cette fille. Son épouse, elle a vu la mort devant elle le jour de la naissance de cette fille. Et au final, il va la jeter dans les mains de quelqu'un qui craint même pas Allah, tabaraka wa ta'ala. Quelle considération ils ont pour les femmes de leur famille, ces gens. Falnattaqillah azza wa jal. Il faut qu'on craigne Allah subhanahu wa ta'ala et qu'on ait la valeur de ces filles-là. Que ce soit ta fille, que ce soit ta nièce, que ce soit subhanallah. Tu trouves chez Sahaba radiallahu anhum des anciens esclaves, des affranchis qu'on a mariés à des nobles de la Mecque. Des nobles de la Mecque. Subhanallah. Et l'histoire de Saïd n'est pas loin de vous. Lorsqu'il a perdu de vue son élève, à son retour, il lui a dit : on t'a perdu de vue, que s'est-il passé ? Saïd ibn Musayyib, il lui a dit, mon épouse est décédée. Il lui a dit, mon épouse est décédée. Et il est à savoir que Saïd, le gouverneur avait demandé sa fille en mariage pour son fils. Le gouverneur avait demandé en mariage sa fille pour son fils. Si je me souviens bien, c'est à l'époque de Abdul Makin Marwan, rahimahullah ta'ala. Pour son fils, peut-être El-Walid ou la Suleyman. Et Saïd, rahimahullah, a refusé. Subhanallah, le futur gouverneur, peut-être, il l'a refusé. On lui a dit, comment est-ce que tu peux refuser alors Yamliku Dunya, alors qu'il possède la Dunya dans sa main? Savez-vous quelle fut sa réponse? Rahimahullah, l'ulama ou l'amiloun, il a répondu, si ce bas monde dans son entièreté ne pèse même pas chez Allah l'aile d'un moustique, Que dire alors de celui qui en possède qu'une part? Que dire alors de celui qui en possède qu'une part? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ça, c'est les paroles des ulama. Ça, c'est les paroles des ulama. Ça, c'est les paroles des ulama. On arrive à notre histoire. Il perd de vue son élève. Son élève revient. Que s'est-il arrivé? Mon épouse est décédée. Il lui dit, pourquoi est-ce que tu n'as pas dit à fin contact? J'ai délaissé les cours parce que j'étais occupé avec son enterrement et ainsi de suite. Plus tard, il le prend en aparté et lui dit, pourquoi est-ce que tu ne te remaries pas? Il lui dit, comment pourrais-je? Tu vois bien mon état. Il était très pauvre. Il lui dit, qui est-ce qui pourrait m'accepter? Saïd l'a regardé, il lui a dit, Ana uzawwijuk. Il lui a dit, moi je te marie ma fille. La ilaha illallah. Wa man yattaqilla yaj'al lahu makhraja. Wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Sadaqallah. Et quiconque craint Allah, il lui accorde une issue favorable. Et il lui accorde sa subsistance d'où il ne s'y attendait pas. D'où il ne s'y attendait pas. La fille de Saïd, subhanallah. Il lui a dit, mais j'ai rien. Il lui dit, je te la marie pour telle chose pourtant. Il lui facilite le mariage. Plus tard dans la soirée, il va avec sa fille chez son élève. Et il frappe. Il dit, man, qui est-ce? Il dit, Saïd. Il dit, j'ai imaginé tous les Saïd, sauf lui, parce que pendant 40 ans, Saïd, Ibn Musayyib, ne faisait pas d'autre chemin si ce n'est de sa maison à la mosquée. Pendant 40 ans, il n'a jamais entendu l'adhan si ce n'est en étant à la mosquée. Pendant 40 ans, il dit, je n'ai jamais vu un dos dans la prière. Il était au saf al-awwal. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Qui sont ces rijal, subhanallah? Ce sont les pieux prédécesseurs. Ce sont les gens de qui tu dois comprendre le dîn. Ce sont les gens de qui tu dois lire, avec les paroles desquelles tu dois t'éduquer. Ceux qui ont rencontré, ceux qui ont entendu la révélation du prophète, de la bouche du prophète alayhi salatu wassalam, ou de leurs élèves, radiallahu anhum, na'am, wa rahimahum. Alors il ouvre la porte et il voit Saïd ibn Musayyib. Stupéfaction, il regarde. Et avec lui, sa fille. Il lui dit, je me suis rappelé que tu allais être seul cette nuit, j'ai détesté cela pour toi, ou une parole semblable, alors je t'ai amené ton épouse. Elle était tellement pudique. Elle était tellement pudique et préservée que Saïd lui a dit d'entrer. Elle a eu du mal à entrer chez son époux. Alors il l'a fait avancer, elle a failli. Elle a trébuché. Elle a failli. Subhanallah. Alors l'élève se retrouve avec son épouse, la fille de Saïd. Et sa mère. Allez, il monte sur le toit, et il se réjouit, et il fait du bruit, j'ai Saïd va marier sa fille, Saïd va marier sa fille, fait la fête sur le toit de sa maison. On lui dit, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Il dit, vous n'êtes pas au courant, Saïd va marier sa fille, Saïd va marier sa fille. Sa mère vient, et elle lui dit, tu ne l'approcheras pas avant que je m'occupe d'elle. Elle l'a éduqué, elle l'a préparé, elle l'a jusqu'à la fin de l'histoire. Non. Allah, Allah, fi ikhtiyari ou fi qabul al-azwaj. Craignez Allah, tabaraka wa ta'ala, dans l'acceptation de ceux qui demandent. Combien est-ce que tu entends des gens qui demandent des femmes, puis ils jouent avec elles? Combien tu entends des gens qui ne dépensent pas? Combien tu entends des gens qui battent les femmes? Combien tu entends des gens qui désertent le foyer? Et toutes sortes de choses qui déplaisent à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, aux gens pieux. Le chapitre suivant, Ikhwan al-Kiram, Bab al-Sadaq. Le chapitre de la dot. Je ne sais pas s'il y a un meilleur terme en français pour dire al-Mahar. Pour dire « al-mahar ». Il faudrait regarder dans le dictionnaire. La réelle définition du mot « la dot », c'est le seul que je connais, pour voir si vraiment il ne comporte pas de défaillance qui nous empêcherait de l'utiliser en islam. « Al-sadaq » a pour définition al-mabdou li aqd al-nikah min az-zawj liz-zawja. As-sadaq, la dot, c'est un présent, c'est un bien, c'est une chose ayant une valeur, qu'elle soit petite ou grande, que l'époux va donner à l'épouse. Na'am. Et c'est son droit dès lors qu'il y a un mariage, qu'il ou ce qui y ressemble. Les fuqaha ont dit ou ce qui y ressemble. Vous savez pourquoi? بعقد النكاح أو ما ألحق به. C'est donné lors du contrat de lors du mariage ou ce qui est rattaché à cela. Est-ce que vous savez pourquoi ils ont ajouté cette mention? Qui a une idée? Toi qui réponds à tout. Selon les traditions? Non. C'est bien réfléchi, mais c'est pas la réponse. Allah mabarak. Tu avais une réponse derrière? Non, c'est pas en rapport avec ça. Non. Non. C'est un peu difficile à trouver. Mais vous pouvez le faire. Car il y a différentes façons de se marier. Tu es sur le bon chemin. Il y a des bouchons, mais comme moi au Jum'a, mais tu es sur le chemin. Si le père est d'accord, le mariage est bon. T'as raté la sortie. Donc, je vous donne la réponse. Une fois, notre professeur, lorsqu'on étudiait Al-Ajrumiyya, nous a posé une question sur un i'rab. Et tout le monde essayait, tout le monde tentait. Et personne n'a trouvé. À la fin, il a donné la réponse et il a dit, personne ne pouvait trouver, ce n'était pas de votre niveau. Mais pourquoi tu poses la question si personne ne pouvait trouver? Et c'était juste pour vous mettre la détermination dans le cœur. Juste pour vous chauffer. Na'am. Masha'Allah. La réponse, حَتَّى يَدْخُلَ نِكَاحَ الشُّبْهَةَ. C'est pour intégrer dans ça ce qu'on appelle نِكَاحَ الشُّبْهَةَ. Le mariage qui n'est pas authentique, c'est le mariage dans lequel il y a une ambiguïté. Mais ça n'est pas pour autant de la dépravation. C'est le mariage dans lequel il manque une condition. Mais lui, il pensait que c'était authentique. Vous comprenez? Lui, il pensait que c'était authentique. Il y a une ambiguïté. Il a même consommé le mariage, peut-être. Mais on ne dit pas qu'il est dans la fornication. On dit que c'est un nikah shubha. On va refaire le mariage en bonne uniforme. C'est son épouse. S'il y a eu un enfant, c'est son enfant. Vous comprenez? Donc, pour faire entrer ce type de mariage et y intégrer la dot, ils ont ajouté ça. Ils ont ajouté cette mention. C'est pour cela qu'il ne faut jamais penser qu'on est plus savant que les fuqaha et qu'on peut faire de meilleures phrases que les fuqaha et qu'ils ont parlé, ils ont mis des ajouts non nécessaires. Non. Quand ils mentionnent des choses et que les ulama les mentionnent siècle après siècle, année après année, enseignement après enseignement, explication après explication, il y a toujours une sagesse. Et lorsque tu ne comprends pas une chose, lorsqu'on ne comprend pas une chose, il faut accuser notre raison, accuser notre niveau à nous, et non pas les savants qui nous ont précédés. Donc je répète, la dot, c'est le présent, c'est le bien que tu vas donner à la femme lorsque tu la demandes en mariage, ou pour le mariage, ou ceux qui a le même jugement. Ceux qui a le même jugement. Ibn Asim rahimahullah ta'ala donne un exemple. Il dit, l'homme rentre dans son lit, c'est dans le noir, et il y a donc la femme, il rentre dans le lit, il consomme, puis il l'arrête et il s'avère que c'était pas son épouse. Lui, il pensait que c'était son épouse. Est-ce que là on dit qu'il est tombé dans la fornication? Non. Là, c'est un choubha. C'est ça un exemple. Non. Là, c'est un exemple. Il y a une ambiguïté. À la kulli hal, le deuxième point. Quel est le jugement de sadaq, du mahar? C'est le wujub, c'est l'obligation. Car Allah Azza wa Jal nous dit dans Surat al-Nisa, وَآتُ النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا. Et donner aux femmes leur sadaq, leur mahr, leur dot. Nihla, les savants ont divergé dans le tafsir, certains ont dit de manière obligatoire, c'est une obligation. D'autres ont dit bitibatin nafs, de bon cœur, de plein gré. Na'am, soyez satisfait de donner la dot. D'autres ont dit n'en reprenez rien. Il ne faut pas que ce soit avec une contrepartie ou autre. Quoi qu'il en soit, d'autres ont même dit un don d'Allah pour la femme. Ibn Kathir rahimahullah ta'ala nous dit lors de ce verset qu'auparavant, lorsque l'homme mariait sa fille, lorsque l'homme mariait sa fille, il prenait lui la dot. Vous avez compris? Le père prenait de force la dot. Alors Allah Azza wa Jalla a interdit cela. Allah Azza wa Jalla a interdit cela. Et dans beaucoup de pays et de tribus, tu trouves encore cette mauvaise coutume ou cette erreur. C'est que lorsqu'il y a la dot, la femme n'en voit que très peu. Elle ne sait même pas. Tu demandes même c'est quoi ta dot, elle dit je ne sais pas. Subhanallah. Allah Azza wa Jal en a fait le droit de la femme. Ce qui va rendre illicite cette femme-là, c'est ce qui va lui revenir de droit. C'est ce qui lui revient de droit. Pourtant, subhanallah, elle ne touche que très peu de cela. Par exemple, la dot, c'est 1500 euros. Et au final, elle, on lui donne 200 euros. Subhanallah, que s'est-il passé en chemin, les 1300 euros sont tombés où? Dans la main de qui? Dans la poche de qui? Le père a pris, on va dire, 800 euros. Là, hein? Ensuite, la mère, elle a pris un billet. Ensuite, la tante, elle a pris un billet. Et ainsi de suite. Subhanallah, à la fin, il reste très peu pour la femme. Elle ne sait même pas, miskina, c'était quoi sa dot. Certaines même tellement que le père a autorité dans ce domaine pécunier qu'il mette de dot. Elle sait d'avance qu'elle ne va rien voir. Alors elle demande à l'homme ce qu'elle veut elle et le reste, elle sait que ça va partir. Subhanallah, on est arrivé à ce niveau-là. Allah musta'an. Il n'y a pas une personne dans le foyer qui peut dire ça c'est le droit de Fatima. Pourquoi est-ce que de quel droit est-ce qu'on le prend? De quel droit est-ce que vous le partagez? C'est son haq. Craignez Allah Azza wa Jal, Allah va vous demander. Il n'y a pas une personne dans le foyer qui fait ça. Allah musta'an. Ensuite, la femme est libre de donner de sa dot à qui elle le veut. Si elle veut donner une partie à son père, à sa tante, à sa mère, à son ami, elle est libre de cela. Mais pas de cette façon précédemment décrite. L'imam al-Qurtubi, rahimahullah ta'ala, nous dit « هذه الآية توجب الصلاة للمرأة وهو مجمع عليه l'اختلاف. » Al-Qurtubi nous mentionne le consensus des savants quant à l'obligation de la dot de la femme lors du mariage. Ce verset nous montre l'obligation de donner la dot à la femme. Et c'est un sujet sur lequel il y a le consensus. Il n'y a pas de divergence à ce sujet. Il nous mentionne un second ijma en nous disant « Wa ajma' al-ulama'u ayda annahu la hadda li kathiri wa akhtalafu fi qalili » Il nous dit que les savants sont également d'accord pour dire qu'il n'y a pas de limite dans l'abondance. Donc il n'y a pas de limite dans le maximum. C'est-à-dire, elle peut demander tout ce qu'elle veut ou on peut demander tout ce qu'on veut. Est-ce qu'elle peut demander une dot de 200 000 euros par exemple? Elle peut. Est-ce qu'elle peut demander 500 000? Elle peut. Mais est-ce qu'elle va trouver preneur? C'est une autre question. D'accord? Mais est-ce qu'elle peut? Est-ce que c'est halal? Oui. Mais est-ce qu'elle pourra se marier dans cette mosquée? Non. D'accord ? Ça aussi, il y a l'ijma, je pense. Il y a le consensus. Naam ? Donc, mais ils ont divergé dans le minimum. Est-ce que la dot peut être 50 centimes d'euros ? Ils ont divergé. Il y a une divergence chez les cinq. Le troisième point, al-sadaq a plusieurs appellations. On l'appelle al-sadaq, on l'appelle al-mahr, on l'appelle al-nihla, on l'appelle al-ajr et d'autres appellations. Donc la dot, la rétribution, la récompense, le cadeau, le don, l'obligation, le droit, d'autres appellations. Certaines traductions, je ne sais pas si elles sont bonnes, mais vous avez entendu les termes en arabe. On a tous entendu le jugement de la dot. C'est l'obligation, n'est-ce pas? Il y a une exception. Laquelle? Il y a une exception, laquelle? Pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque tu étudies Al-Khasa'is, le chapitre des spécificités du prophète alayhi salatu wassalam, des choses qui lui sont propres à lui et dans lesquelles on ne s'associe pas, il y a ce qu'on appelle Al-Wahibatu Nafsaha. Celle qui se donne elle-même, c'est que pour le prophète alayhi salatu wassalam, c'est-à-dire sans contrepartie de dot. Naam, comme dans quelle surah? Dans suratu Al-Ahzab. Naam, si mes souvenirs sont bons. Naam. Le quatrième point, quelle est la sunna dans la dot? Demander une grande dot ou une petite dot? C'est quoi la sunna? Le minimum. T'es marié? Non? Naam. C'est quoi la sunna donc? Tarfifuha. C'est de l'alléger. On va dire comme ça, c'est plus doux envers le cœur de l'Qawariya. Naam. Comme les a appelés le Prophète sallam. Donc, as-sunna tarfifuha. La sunna, c'est de l'alléger. Naam. Celui qui gagne 2000 euros par mois, l'alléger, par exemple, ce serait quoi comme dot? Combien? Si on parle en argent. 500 euros? 500 euros. Oui, celui qui gagne 10 000 euros par mois, ce serait quoi l'alléger? 5 000 euros? Ça se voit que la question a été posée avant la séparation. Naam. Masha'Allah. Les ulama disent as-sunna tarfifuha. La sunna est d'alléger la dot. Et à travers cela, il y a beaucoup de sagesse, il y a beaucoup de bien qui en découle. Premièrement, muwafaqatu sunnah. On est en concordance avec la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car vous connaissez tous le hadith, iltamis walaw khataman min hadith. Lorsqu'il a dit au compagnon, qui lui a dit je n'ai pas grand chose, il lui a dit cherche, ne serait-ce qu'une bague en fer. Ne serait-ce qu'une bague en fer. Une bague en fer, ça coûte quelque chose? Ça coûte rien. Naam, ça n'a pas vraiment de valeur. Et Aïcha radiallahu anha nous dit Inna min yumni al-mar'a taysira khitbatiha wa taysira sadaqiha wa taysira rahimiha. Akhrajahu Ahmad wa ibn Hibban, Hassan al-Albani rahimahullahu ta'ala. Aïcha radiallahu anha nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit fait partie de la bénédiction de la femme le fait que sa demande fut facilitée, que sa dot fut facilitée et qu'elle tombe facilement enceinte, si j'ai bien compris, si j'ai bien traduit et si j'ai bien traduit. Na'am. Quant au hadith, a'zamu nikahi barakatan aysaruha ou aïsaruhu mu'na Quant au hadith qui dit que le mariage le plus béni est celui qui est le moins lourd, qui est le moins, comment est-ce qu'on va dire, et nous on a supporté le moins de difficultés dedans. Non. Quant à ce hadith là, il est daif, comme a dit l'Albani rahimahullah ta'ala et Al-Haytham rahimahullah, car il y a Isa ibn Maymoun et les Matrouk. Parmi les sagesses, il y a également Taysiru al-Zawaj, la Siyama inda al-Shabab ou al-Fuqara. Parmi les grandes sagesses, c'est la facilité de l'accès au mariage. Parce que si les dots sont élevés, est-ce que les jeunes pourront se marier? Il vient de finir ses études, ou bien il vient d'entrer sur le marché du travail, ou bien il ne travaille pas, ou bien il est pauvre. Ces gens-là seront bloqués. Donc ils bloqueront par la même... Yani ils bloqueront forcément des femmes. Ces femmes vont attendre, elles vont être bloquées, elles ne vont pas pouvoir avoir accès au mariage, elles ne vont pas pouvoir se préserver, fonder leur foyer, être dans leur foyer, s'épanouir dans leur mariage, tirer profit des plaisirs licites, et ainsi de suite. Et nous, on se doit d'encourager les gens à emprunter le chemin des prophètes. Parmi la sunna des prophètes, alayhimus salam, le mariage. Et si on rend difficile l'accès au mariage, on n'aura pas concouru à cela. Un autre point, même s'il est extrêmement loin du cœur de celui qui veut se marier, de celui qui vient de se marier, na'am, de par l'éblouissement de celle qu'il recherche, c'est que s'il y a des problèmes dans le futur, et qu'ils sont amenés à la séparation, na'am, et qu'ils sont amenés à la séparation, est-ce que c'est plus facile s'il a dépensé énormément pour la dot, ou est-ce que c'est plus facile s'il n'a pas dépensé énormément pour la dot? Vous avez compris la question? Lui, pour se marier, il a tout investi. Et peut-être même il s'est endetté. Na'am. Le jour où il veut divorcer, est-ce qu'il va faire ça facilement, ou bien il va être bloqué? Il va réfléchir à 1000 fois. Pourquoi? Parce que s'il divorce, c'est comme s'il s'était ruiné. Na'am. Ça, c'est du point de vue de l'homme. S'il a trop dépensé, ben il va rester dans une situation où la sagesse aurait été de divorcer. Mais il va rester bloqué parce qu'il a trop dépensé dans son mariage. Donc la sagesse, c'est qu'il pourra se séparer si la sagesse l'appelle à cela, sans avoir perdu énormément de ses biens. Du côté de la femme maintenant, c'est dans une situation conflictuelle et qu'elle demande l'annulation ou la séparation, et qu'en contrepartie elle se doit de rendre la dot ou ce qu'il aura demandé. Si la dot elle est immense, est-ce qu'elle pourra arriver à ça? Non, ses proches ne pourront pas réunir. C'est pour réunir 200 000 euros. Par contre, si c'est accessible, ils auront plus de facilité à mettre fin à la difficulté qui l'a poussé à demander cela. Aussi, la baraka est plus grande. La bénédiction est plus grande lorsque la dot est facilitée. Une autre sagesse, subhanallah, Ibn Azim, rahimahullah ta'ala, d'autres parmi les savants disent que la dot trop élevée amène de l'aversion dans le cœur du mari envers l'épouse. Ça amène, hein, ça lui met quelque chose dans le nefs, ça lui met quelque chose dans le cœur. Il peut même être amené à la détester de ce point de vue-là. Pourquoi? Parce que il va travailler en 6 mois par exemple, il aura gagné 10 000 euros. Non. Il sera épuisé. Et un soir, il va être épuisé, rentré du travail, il va la regarder et il va se rappeler que sa dot, elle, c'est 10 000 euros. Vous imaginez la fatigue? Pendant 6 mois, il travaille, épuisé, il a mal, et un jour, il est allongé ou il est assis, il la regarde. Il dit, subhanallah, 6 mois yani, comment elle me fait ça, elle me fait ça, elle me fait ça, 6 mois, ça va lui, c'est sûr que ça va mettre quelque chose dans son nefs. Vous avez compris? Parce que forcément, elle aura des défauts, parce qu'elle est humaine, tout comme lui, il a des défauts, même s'il ne les voit pas. tous, même s'il ne les voit pas tous. Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, nous dit As-sunnatu takhfifu sadaq wa alla yuzad ala nisa'i nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, nous dit la sunna est d'alléger la dot et de ne pas demander plus que ce que le prophète alayhi salatu wassalam a donné en dot à ses épouses. D'autres ont dit ou à demander pour ses filles. À demander pour ses filles. Donc c'est entre 400 et 500 dirhams. Naam. Si mes souvenirs sont bons, ça, c'était l'équivalent d'environ 120 riyals saoudis. Saoudis, ce qui était l'équivalent de 500 euros. Mais ça a vérifié. C'est à revérifier. Et des savants ont dit ça, c'est pas la dot fixe. C'est-à-dire que par moment, peut-être qu'il a même demandé moins. Par moment, peut-être qu'il a donné moins. Non. Mais je rassure les femmes. Est-ce que la femme peut demander 2000 euros en dot? Est-ce qu'elle peut demander 5000 euros? Est-ce qu'elle peut demander une parure en or blanc? Est-ce qu'elle peut demander une maison? Un appartement? Un troupeau de chèvres? Pour ceux qui de la campagne? Non, tout ça, elle peut le demander. Est-ce qu'elle peut, comment dire ça, assembler? Est-ce qu'elle peut joindre? Elle demande une parure, plus de l'argent, plus des vêtements, par exemple. Ou non? Non. Est-ce qu'elle peut demander une amra? Donc, ce n'est pas forcément palpable. Elle peut demander une amra, elle peut demander un voyage. Non. Est-ce qu'elle peut demander un voyage à... J'oublie tout le temps le nom. Aux Maldives. C'est ça? Il n'y a pas un autre? Non, voyons. Avec tout le respect qu'on a pour eux. J'entendais régulièrement un nom, mais ça doit être les Maldives. Un endroit asiatique, non? Seychelles? C'est musulman, les Seychelles? La Malaisie, voilà, c'est ça. C'est qui a dit la Malaisie? Masha'Allah. Allah vous facilite. Donc, qu'Allah nous facilite. Soyons optimistes. Est-ce qu'elle peut demander non? Ou non? Elle peut demander. À la kulli hal, il n'y a pas de limite. C'est ça que je veux aller faire comprendre. Il n'y a pas de limite de demande. Notez As-sunnah tasmiyatul mahr inda al-aqd. La sunna est de mentionner la dot lors du mariage. Lors du mariage. Certains, lors du mariage, tu demandes quelle est la dot. Il y a une gêne, on dirait. Il y a un malaise. Comme si c'était mal de la mentionner ou de demander. Or, c'est la sunna du prophète. Et qu'est-ce que tu lui donnes en dot? Qu'est-ce que tu demandes? Qu'est-ce que... On trouve ça dans les textes. Et chez Sahaba, on trouve cela. Et jusqu'à nos jours, chez les gens pieux, chez les ulama, on trouve cela. Il n'y a aucun mal à ça. Il n'y a aucun mal. C'est comme si certains avaient honte de donner beaucoup. Comme si, yani, subhanallah. Ça, c'est pour être ton épouse, c'est pas de la dunya. C'est de la dunya, mais c'est pas dans le halal. C'est pas comme si tu es au quartier et tu dépenses et les gens te montrent du doigt et rient, se moquent de toi. Hein? Non. Ça, c'est ton épouse, tu dépenses pour elle, masha'Allah, t'as des hasanat. Fi khayr, c'est que du bien. Na'am, il faut tashih al-mafahim, il faut corriger les mauvaises idées reçues. Le prophète, alayhi salatu wassalam, n'a-t-il pas dit aux compagnons, zawajtukaha, ou zawajtukaha, na'am, bima ma'aka min al-Qur'an? N'a-t-il pas dit, je te la marie selon ce que tu as du Qur'an? C'est-à-dire, la dot, c'est que tu lui enseignes le Qur'an. Le prophète m'a mentionné la dot ici ou il ne l'a pas mentionné? Si c'était un mal, le prophète sallam l'aurait fait? Non. Mais ça n'est pas une obligation. L'obligation, c'est de se mettre d'accord. La femme sait ce qu'est la dot, le père sait ce qu'est la dot, les témoins savent ce qu'est la dot. C'est suffisant. Non. Une des grandes sagesses de la mentionner, c'est dans le cas où il y a une divergence dans le futur. Il y a une divergence dans ce futur, dans le futur, il y a une séparation. Vous vous souvenez que s'il y a consommation du mariage, forcément, qu'est-ce qui revient de droit à la femme entièrement? La dot. Au mariage, on n'a pas mentionné la dot. Lui dit, la dot, c'est 200 euros. Elle, elle dit, la dot, c'est 2000 euros. On prend la parole de qui? Ça ramène des problèmes, ça. Non, ça ramène des problèmes, des fitins. Alors que si la dot est mentionnée lors du mariage, les témoins sont informés, on revient aux témoins. On revient aux témoins et à ceux qui ont participé au mariage. Quelle est la dot qui rend valide ce mariage? En d'autres termes, qu'est-ce qui passe en tant que dot et ne passe pas? Qu'est-ce qui est valable plutôt et ne l'est pas? Qu'est-ce qui est valable et qui ne l'est pas? Tous ceux qui a une valeur, toute somme d'argent, toute chose qui a une valeur, toute chose qu'on pourrait louer ou vendre, toute chose qui a une utilité, que ce soit palpable ou abstrait, peut faire office de dot. Peut faire office de dot. Des exemples, une somme d'argent. Des exemples, une bague en or ou en argent. Exemple, enseigner une sourate du Coran. Est-ce que c'est une utilité ça ou pas? Est-ce que c'est un bien ou pas? Oui, alors ça peut faire office de dot. Exemple, il va travailler pour elle dans un domaine hors le domaine qui l'amènerait elle à être la chef du foyer, au-dessus du chef de la maison. Comment est-ce qu'ils disent en français? Un Rabboul Bayt. L'homme de la maison. Donc, par exemple, elle a un champ où elle a du bétail. Et la dot sera que lui, pendant 2 ans, il cultive ce champ-là. Pendant 2 ans, il s'occupe de faire paître les bêtes, et ainsi de suite. Est-ce que ça peut être une dot ou non? Oui. Est-ce qu'on a une preuve dans un texte? Un exemple. Moussa alayhi salam. La dot de Moussa alayhi salam qu'il a donnée pour son épouse, c'était qu'il travaille pendant 8 années. Pendant 8 années, il s'occupait des troupeaux du père de son épouse. Mais ici, il y a une problématique. Quelle est cette problématique? La dot, c'est le droit de qui, nous avons dit? L'épouse ou le père? L'épouse. Et là, il travaille pour qui ici? Pour le père. Comment répondre à cette problématique? Non? Ah, sainte, Allah mabarak. Peut-être qu'à la base, c'était la femme qui faisait cela. La jeune fille. En effet, c'est ça la réponse. Bourikafik. À la base, si vous vous souvenez dans l'histoire de Moussa alayhi salam, lorsqu'elles sont parties chercher de l'eau, elles ont justifié leur sortie en disant quoi? Wa abuna. Comment? Cheikhoun Kabir, c'est un homme âgé. Donc c'était elle qui faisait cela. Donc lorsque Moussa alayhi salam va faire ce travail, en réalité, l'utilité, l'allègement, le bien va revenir sur qui ? Son épouse. Vous avez compris ? En ça, c'est une dot. C'est en ça que l'utilité a été beau pour la femme. Imagine, tu as un travail, subhanallah, et je te dis, pendant 8 ans, tu ne travailles pas, c'est moi qui vais faire ce travail. Allahu Akbar. Même si c'est le travail, c'était de porter des plumes, te lever à 7h du matin et rentrer à 8h du matin en portant des plumes, Wallah, pendant 8 ans, elle fait ton travail. C'est, masha'Allah. Naam. Mais ici, une remarque qui sera compris parmi les gens, par les gens dont la fitra n'a pas été encore altérée, ou ceux qui ont reçu cette bonne éducation. C'est qu'on conditionne cette dot, c'est-à-dire les services de l'homme à la femme, on conditionne que ça ne soit pas des actes qui sont propres à la femme, de sorte à ce que si l'homme se met à faire ça et prend ce vêtement et ce rôle-là, c'est comme si la femme devenait à ce moment-là la responsable et qu'elle avait l'autorité sur son mari. Est-ce que vous comprenez cela ou pas ? On dit par exemple la dot, c'est que lui, il va s'occuper maintenant du foyer. Pendant 2 ans, c'est lui qui va faire le ménage, il va laver les vêtements de son épouse, il va être à son service, tout ce qu'elle demandera, il le fera. Elle sera son khadim, il lui lave ses vêtements, et j'en passe. Comme si j'entendais, mais ils le font déjà. Allah al-musta'an, la wallah. Donc, ça, les ulama ont dit, ça ne peut pas être la dot. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, on altérerait, la fitra qu'Allah Azza wa Jal nous a donnée, et les rôles qu'Allah Azza wa Jal, celui qui nous a créés, qui nous dit en Coran, « Allah ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latif al-khabir » Ne connaît-il pas, alors c'est lui qui a créé Al-Latif Al-Khabir, celui qui a connaissance des choses subtiles et parfaitement informé. Donc dans ce cas-là, non, ça ne peut pas faire office de dot. Non, parce que la femme, elle deviendrait Al-Sayyida, elle aurait Al-Siyada sur son époux. Et pour que ce ne soit pas mal compris, est-ce qu'il y a un mal à ce que l'homme aide son épouse dans le foyer ? Passe le balai ? Il y a un problème ? Pas de problème. L'aspirateur aussi ? La vaisselle ? Oui ou non ? Là, ça hoche moins la tête. Hein ? Oui ou non ? Vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord ? Est-ce qu'il y a un problème ? L'aspirateur ? Le balai, vous avez tous dit non. Donc, je pense que c'est facile alors. L'aspirateur, vous avez douté. La vaisselle, vous avez... Donc, oui ou non la vaisselle ? Non ? Il n'y a pas de problème, non ? C'est-à-dire, il n'y a pas de problème ? Changer les couches ? Laver les enfants ? Pas de problème ? T'es marié, toi ? Pourquoi tu réponds ? Ton ami, là, hop, hop. Allah musta'an. Tu fais que aider les autres. Et gêner d'autres. Tout cela, Ikhwan et Kiram, il n'y a pas de problème. Celui qui était meilleur que nos parents, meilleur même que les autres prophètes, Muhammad ibn Abdullah, sallallahu alayhi wa sallam, était au service de sa famille, il s'occupait de ses chaussures, il s'occupait de son foyer, il aidait. Non. Est-ce qu'on lui disait, fais ceci ? Est-ce qu'on lui disait, tu ne fais pas, mais tu n'as pas encore fait ? Non, de plein gré, il faisait cela. De par l'excellence de caractère, il faisait cela. Non pas que c'est un droit obligatoire, non pas que c'est son obligation et son rôle, non, mais de plein gré, il faisait cela, de par l'excellence de caractère, la perfection de son comportement, et que c'était le meilleur avec ses épouses. Donc ça, c'est pas à utiliser à mauvais escient. Non. Tout ça pour dire, c'est un bien. Celui qui fait ça, c'est Allah khair. Non. est-ce qu'il peut accorder comme dot l'enseignement d'une partie du Coran ou de certains versets du Coran? Oui, ça a eu lieu au temps du prophète alayhi salat wa salam, mais il est à noter que ceci est venu en dernier recours. C'est-à-dire que le prophète sallam lui a dit de ramener une chose, ramener une autre chose. En descendant, à la fin seulement, il lui a dit, est-ce qu'il connaissait du Coran? Il lui a dit telle surah. Il lui a dit, alors je te marie pour ce que tu connais du Coran. C'est-à-dire, si tu connais le Baqara et Ali Imran, la dot sera que tu lui enseignes le Baqara et Ali Imran. D'accord? Donc ce qui apparaît, c'est que ça n'est pas une dot. Et elle est la dot de base à laquelle on a recours en premier lieu. Non, ce qui est le plus courant, c'est plutôt de donner quelque chose d'argent, de bijoux ou autre. Non. Mais c'est valable et il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. In atlaq, dans le cas où il dit sadaqi al-Qur'an, dans le cas où il ne précise pas la sourate, que sera la dot? Vous avez compris la question? Tout à l'heure, on a cité l'exemple sourate Qaf, sourate Kada, Kada. D'accord, dans le cas où il dit sadaqi an u'allimaha al-Qur'an, la dot, c'est que je lui enseigne le Qur'an. Il dit comme ça, de manière absolue. Quelle sera la partie obligatoire pour dire qu'il ne s'est pas quitté de sa dot? Non. Tout le Qur'an. In atlaq fayalzamuhu al-Qur'an kullah. S'il cite de manière absolue, alors lui, l'obligation sera l'entièreté du Qur'an. Est-ce que c'est compris? Sinon, il faut spécifier, il faut dire telle partie. Non. Et s'il dit un juz, il dit lequel? Et s'il dit la moitié, il dit laquelle? Et ainsi de suite. هل يجوز أن يكون الصدق مصحفا؟ Est-il permis que la dot soit un livre contenant le Coran, un mushaf? Est-ce que ça peut être une dot ou pas? Les savants ont divergé à ce sujet. Pourquoi? Les savants ont divergé à ce sujet. Pourquoi? Oui, mais ce n'est pas la réponse. C'est dans ce sujet-là. Les savants ont divergé parce que... Et ont divergé, est-ce que ça peut être une dot? Car ils divergent, est-ce qu'on peut vendre un mushaf ou non? Vous avez compris? Ceux qui disent qu'on n'a pas le droit de vendre un mushaf disent que ça ne peut pas être une dot. Ça ne peut pas être une dot. Et ceux qui disent qu'on peut vendre le mushaf, Ibn Uthaymeen nous dit que c'est la vie prépondérante, on peut vendre un mushaf, d'accord? Alors c'est valable. Donc c'est valable. Ça peut être un mushaf. La dot peut être un mushaf. Est-ce que ça peut être une science ou l'enseignement d'un livre? Qui a étudié Kitab al-Tawhid avec nous cette année? Qui est en cours dans Kitab al-Tawhid? Ali, inshallah, prochainement ta tazawwad. Est-ce que tu peux dire sadaqi an ufaqihak an u'allimaki Kitab al-Tawhid? Est-ce que la dot peut être que tu lui dises ma dot est que je t'enseigne Kitab al-Tawhid? C'est valable ou pas? Oui, c'est valable. Non. C'est valable parce que si on revient à la définition, on voit qu'il lui apporte une utilité, que ce soit, et même si ça n'est pas palpable. Donc, la dot peut être un enseignement d'une science profitable. Peut être un enseignement d'une science profitable. Mais il doit obligatoirement mentionner le livre ou la partie du livre. Il doit obligatoirement mentionner le livre ou la partie du livre. Par exemple, il dit Kitab al-Tawhid. C'est valable parce qu'il y a une utilité, il y a une manfa'a, il y a un enseignement, il y a une difficulté, il y a un effort, il y a l'effort de lui faire comprendre, il y a la répétition, il y a le temps. Donc toutes ces choses-là rentrent dans la dot. Est-ce qu'il peut dire Sadaqi an u'allimaki kitab as-salah? Ta dot, c'est que je t'enseigne le chapitre de la prière. Est-ce que ça, c'est valable ou pas? Dites-moi. Je t'interroge pas pour pas te faire un piège. Car je veux que tu aies que des bonnes réponses. Et là, je pense que tu vas te tromper. C'est pas valable. Pourquoi? Je n'ai pas compris. Non. Donc toi, si tu étudies le chapitre de la prière dans un livre, ça veut dire que tu sais que tu ne pries pas? Ça veut dire que tu ne sais pas prier? Non. Kitab salat, c'est vaste. Il y a énormément de sciences qu'on ignore. Pourtant, on fait salat depuis. Alhamdulillah, depuis très longtemps. Allah fadl al-walid, qui nous a appris la salat. Il nous a créé aussi pour la salat. Il n'est pas habilité? Non, ce n'est pas la réponse. La réponse, c'est non, ce n'est pas valable. Dans l'exemple que j'ai cité, ce n'est pas valable. Mais pourquoi? Non. Tu as trop défendu les droits de la femme. Le frère a dit, parce que parmi les droits de la femme, le fait qu'il lui enseigne. Naam, ça c'est une réalité. Mais c'est, ici, là, ce n'est pas la réponse. Ou ce n'est pas la illa, l'explication de la réponse. Parce que j'ai dit Kitab al-Salah. D'accord, de quel livre? Est-ce que j'ai mentionné le livre? Kitab al-Salah, ça peut être de Zad al-Mustaqna. Non. Ça peut être de tel autre livre, tel autre livre, tel autre livre. Et si c'est de tel livre, peut-être ça fait 200 pages. Et de tel autre livre, peut-être ça fait 10 pages. Est-ce que c'est la même dot? C'est pareil? Non. Il faut absolument, on a dit, mentionner le livre. Que la partie soit spécifiée, qu'elle soit déterminée, comprise. C'est clair ça? Est-ce qu'il peut lui enseigner un livre de littérature ou bien de poésie? Est-ce que ça peut être ça le mahar? Oui ou non? Alhamdulillah, ça montre la place du Kitab al-Tawhid chez vous. Hein? Dans les masalis de Ahl Sunnah. Tout le monde a dit le Kitab al-Tawhid, oui. Quand on est passé aux autres, Na'am, Allahu Akbar, al-Tawhid, ma'azama. وما أهمه وما أعظم وما أعظمه شأنا سيفالا la littérature arabe, la poésie, les textes utiles et profitables, pas les textes poésie où il y a le haram dedans. Aïe. Une question. Si la femme dit ma dot sera que tu divorces ton épouse. Et lui, il accepte. Non. Par exemple, il est marié avec une femme qui lui fait mal à la tête. Ou là, il est marié avec une femme qui est âgée. Et kada. Et là, il voit et celle-ci, par exemple, elle est jeune. Ou bien il pense qu'elle ne va pas lui faire mal à la tête. Et ainsi de suite. Non. Donc, elle lui dit, ma dot, c'est que tu divorces ton épouse. Je ne demande pas d'argent, rien du tout. Juste tu divorces son épouse et ça sera ma dot. C'est valable ça ou pas? Comment? C'est pas une cause pour divorcer. Mais est-ce que c'est valable pour dot, en tant que dot? Ça, notre question. Non, c'est pas valable. Naam, c'est pas valable. Et c'est même interdit. Premièrement, c'est pas de l'argent, c'est pas une utilité qui lui revient. Comme dans les exemples qu'on a mentionnés auparavant dans la définition également de Sada. Et deuxièmement, le prophète sallam a interdit que la femme demande à ce qu'on divorce sa sœur, c'est-à-dire Filla, qu'on divorce Mada, sa sœur Filla, pour pas qu'elle partage avec elle. Dans le cas où l'homme dit la dot est que je t'enseigne Surat Amma, mais il tombe dans un problème. Quel est ce problème? C'est qu'il essaye de lui enseigner, elle n'arrive pas. elle n'y arrive pas. Non, elle arrive par exemple à la moitié de la soirée, elle n'arrive pas, à apprendre. Il lui répète une fois, 10 fois, 20 fois, 30 fois, 100 fois, tous les jours, il s'assoit avec elle, 1 heure. Il lui fait répéter, répéter, elle n'arrive pas, elle arrive le lendemain, elle lui fait rester, elle n'arrive pas. C'est possible ou pas? Ou non? C'est possible, elle n'arrive pas à mémoriser. Qaddar Allah, elle n'arrive pas à mémoriser. Dans ce cas-là, comment ça se passe? Ça fait 1 an, on n'arrive pas à mémoriser. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Qui c'est? Il faut qu'il trouve quelqu'un qui puisse lui enseigner. À moins de lui faire apprendre. Le frère a dit, il faut qu'on lui trouve quelqu'un pour enseigner. Est-ce que ça peut être une bonne réponse? Non, on vient de dire que 1 heure par jour, il lui donne du temps, il fait des efforts. C'est pas lui le problème, c'est elle le problème. T'avais lui aussi, toi? Les défenseurs. Il y en a, ils défendent même quand il n'y a pas de problème. Hein? Avocat, même sans problème. Non, là, c'est pas ça le problème. Elle n'arrive pas à mémoriser, même si tu lui amènes Sudeis ou la. J'ai pas d'exemple femme, c'est pas un bon exemple que j'ai mentionné, on aurait pas dû mentionner une femme. Donc, ils se mettent d'accord pour trouver un autre mahr. Ils se mettent d'accord sur l'argent, c'est pas le plus facile. Les solutions en islam, c'est toujours ce qui met fin à la divergence. Regardez ce qu'on fera dans ce cas, ce que vous ferez dans ce cas. Ce qu'il faudra faire dans ce cas-là. Il va voir les enseignants du Coran. Et il lui demande, pour l'enseignement de Amma, d'accord, on va dire que c'est Juz Amma par exemple. Pour l'enseignement de Juz Amma, combien est-ce que les parents dépensent pour les enfants? Vous avez compris? On peut supposer que Juz Amma, c'est une année scolaire. Hein? Même si chez certains enfants c'est quelques mois, mais on va supposer que c'est une année scolaire. Et l'enseignant dit 250 euros. Ben la dot, au lieu que ce soit la mémorisation de Juz Amma, ça deviendra quoi? 250. Est-ce que vous avez compris ce qu'il faut faire? Il faut aller voir ceux qui sont spécialisés dans l'enseignement et voir combien en général on leur donne pour l'enseignement. De l'équivalent de ce qui était la dot auparavant et donner cet équivalent. Ainsi, on modifie la dot. On modifie la dot. Il y a une règle qui dit, donc là on va mentionner les cas où la dot elle est facile, elle n'est pas valable. Ils ont fait un mariage, la dot n'est pas valable. Comment on fait? Donc la règle dit Matabatul al-musamma wajaba mahr al-mithl. Dès lors que la dot qui a été mentionnée n'est pas valable, nous incombe de donner la dot pour l'équivalent. Pour l'équivalent. Est-ce qu'il y a un féminin pour l'équivalent? Si on veut parler de la femme. Pour ses semblables. Hein? Est-ce que vous avez compris cette règle? Il dit, lors du mariage, la dot, c'est que je lui donne 10 litres d'alcool. Est-ce que ça c'est valable ou pas? C'est barré. Ils étaient ignorants. Il continue. La dot, c'est que je lui donne le bar. La dot, c'est que je lui donne de la peau de khinzir, de porc. La dot, c'est que je lui offre des, comment est-ce qu'on dit quand on a plein de cigarettes dans une boîte, des cartouches, non, des cartouches de cigarettes, riyadun billah. Est-ce que toutes ces dotes-là sont valables ou fasida? Elles sont fasida, elles sont barbées. D'accord, comment on fait maintenant? Ils sont mariés. Et c'était ça qui était convenu. La règle dit, Wajaba mahr al-mithl. Il faudra à la place donner une dot pour ses semblables. De qui on parle lorsqu'on dit ses semblables? Hein? On parle de la femme. On va regarder cette femme-là. Et en général, une femme qui a tous ces détails-là et ces caractéristiques-là, quelle est sa dot? À combien est évaluée sa dot? Ibn Athaymin, rahimahullah ta'ala, dit il y a plein de caractéristiques qui font varier la dot. Est-ce qu'elle est Thayyib ou Bikr? Est-ce qu'elle est... Elle n'a jamais été mariée ou elle a déjà été mariée? D'accord? Est-ce qu'elle est jeune ou âgée? Est-ce qu'elle est plus belle que la moyenne ou non? Est-ce qu'elle est... Yani comment? Yani sa corpulence suite à son âge ou des événements de la vie? Ibn Athaymin dit, par rapport à sa science et son comportement, par rapport à son origine ou non, par rapport à sa... Est-ce qu'elle est noble ou non? Non. Tous ces paramètres entreront dans l'évaluation de la note. Donc c'est ça Mahrul Mithl. On va la regarder, elle. On va regarder par exemple les femmes de sa famille. La dot chez eux en général c'est 1500 euros. On va dire elle a Mahrul Mithl, elle a 1500 euros. La dot en général dans sa famille, Naam, c'est 15 000 euros. On va dire 15 000 euros. Est-ce que vous avez compris ce qu'il faut faire? Il faut revenir à la base dans sa famille. Elle, ses sœurs, ses cousines, et ainsi de suite. Dans sa tribu, dans son origine, dans leur beauté, dans leur... et ainsi de suite. Dans le cas où il dit la dot, c'est une somme d'argent. Est-ce que c'est valable? C'est ça sa phrase, c'est une somme d'argent. C'est des livres. C'est un voyage. Tous ces exemples ont quoi en commun? C'est majhoul, c'est pas défini, c'est pas précis, c'est vague. Dans ces cas-là, comment est-ce qu'on fait, si vous avez compris la règle? Hein? Suleyman. On lui donne Mahrul Mith. On lui donne Mahrul Mith. Là, on est dans le cas où c'est déjà passé. Comment on fait? Naam. On demandera Mahrul Mithl. On va regarder cette femme-là, son âge, son... Il y en a tous les détails qui vont faire que la dot est plus ou moins haute et lui donner l'équivalent. Dans le cas où il lui dit la dot, c'est la voiture très prisée qui est... Il y en a, il vient la voir, elle habite... elle habite au Courtilière, dans le quartier. Et en bas du bâtiment, il y a une belle Audi garée. Hein? Il y a un Q7 ou un Q8. Une belle voiture, mashallah. Et lui, il monte chez eux et on va faire le mariage. Vous suivez la scène ou pas? Ou bien il est... Ça fait 1h25, vous voulez qu'on s'arrête là, on reprend la semaine prochaine? On rajoute 5 minutes. 5 minutes? Pas 30 minutes comme le premier cours. Voyez. Ils montent chez cette famille-là, ils discutent, ils lui disent « Qu'est-ce que tu donnes comme dot? Qu'est-ce que tu proposes ?» Il dit « Regardez par la fenêtre. » Hein? Il regarde par la fenêtre, qu'est-ce qu'il voit? Il voit la voiture. Hein? Il dit, je donne ça comme dot. Ils sont tous contents. Même les frères vont être contents. Ils n'ont rien à voir dans la dot, mais ils vont être contents. Bon, ça, elle est là. Et... Wallah, ils vont être contents. Donc, ils font le mariage. Ils font le mariage. Pas avec son épouse, Kada. Plus tard, ils veulent prendre la voiture. Et son voisin, il met sa tête par la tête. Il dit, qu'est-ce que tu fais avec la voiture? Pourquoi tu touches la voiture? Et je dis, c'est ma voiture, c'est ma dot. Je dis, c'est ma voiture. Comment tu me dis, c'est ta dot? C'est ma voiture à moi. Vous avez compris la scène ou pas? C'est pas sa voiture. Et il l'a fait passer pour la dot. Vous avez compris la catastrophe? Attendez. C'est pour ça, celle qui accepte pour la donner, c'est dangereux. Ceux qui acceptent pour la donner, c'est dangereux. La donner, elle vient, elle part, et des fois, elle n'est même pas encore là. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Je vais voir si vous avez retenu la règle et que vous l'avez assimilée. Donc, qui a un patron ici? Je vais poser la question à un patron. Il n'y a pas de patron? Ils ne veulent pas lever la main. On ne va rien lui demander. Il y a des patrons, mais ils ne lèvent pas la main. Khayr. Je repose la question. Dans ce cas-là, comment est-ce qu'on fait? On demande à ce qu'il offre un véhicule de la même catégorie? T'es sûr? La règle que j'avais dit, semblable, ça revient pas au bien. Ça revient à la femme. C'est-à-dire que la règle disait que dans le cas où la dot, elle est caduque, on devra donner en tant que dot à la femme ce qui est donné en général pour cette femme comme elle est actuellement. Par exemple, dans sa famille, la dot des femmes, à son âge et ainsi de suite, comme elle est, c'est 1500 euros. Donc comment on fait dans ce cas-là? Est-ce que vous avez compris déjà la problématique ou pas? C'est qu'il lui a dit la dot, c'est ça, en vrai la voiture, c'est pas elle. Il l'a trompé. Hein? Je voulais pas te donner la parole pour pas que tu te trompes. Mais t'as insisté. Il a dit que c'est cette voiture-là, il n'y a aucun doute. Tu penses qu'on continue à la plainte Q8? Donc, il donne l'équivalent de la dot pour une femme comme cela ou l'équivalent de la voiture comme celle-ci? Elle est là la problématique, c'est pour ça que j'ai cité cet exemple. C'est pas pour parler de voiture. Donc, عندك حسن صاحب السيارات نعم il donne l'équivalent de la voiture. نعم mais dans les mais si on se réfère à l'exemple, on avait dit aux autres exemples, on avait dit que on va regarder elle en général sa dot c'est quoi. Et on lui donne ça. Tu vois ou pas? Donc, la dot à ce moment-là devient caduque. Comme quoi tout le monde peut se tromper, même toi. Je te dis, tu as toujours les bonnes réponses. S'il a menti sur la dot, en montrant la voiture, c'est qu'il n'a pas les moyens. Tu es bien naïf, mon cher. Beaucoup de gens mentent, ils ont les moyens. Ah, t'es bien naïf. Donc, on se réfère à ce qu'on donne en général pour cette femme-là. Pour pas avoir des problèmes. La réponse est qu'on va évaluer cette voiture exactement et il va lui donner exactement la somme de cette voiture dans son état. Vous avez compris? Exactement cette voiture qu'on a vue là, il va donner la somme de cette voiture. Naam. Tout cela est abstrait, personne n'a gagné de voiture, personne n'a perdu d'argent. Donc, il y a une nuance qui nous a échappé dans cet exemple. Il y a une nuance. Vous savez c'est quoi? C'est que dans tous les exemples précédents, la dot, elle était fa'asida. C'était soit de l'alcool, soit des cigarettes, soit du ram, soit divorcer l'autre femme, soit... Tout ça, c'est bâtil en soi. Mais la voiture, c'est pas facile. C'est valable comme dot. Donc si c'est valable, mais qu'il y a un problème, on va revenir à la même dot, mais sa valeur. Vous avez compris? La même dot, mais sa valeur. Oui, donc faites attention à cette nuance. Est-ce qu'il peut dire, je te donnerai ta dot, si ton père est vivant, ta dot, ça sera ça. Et si ton père est décédé, ta dot sera plus. Par exemple, si ton père est vivant, ta dot sera 1000 euros. Si ton père est décédé, ta dot sera 3000 euros. Est-ce que c'est valable de mettre ces différents cas en dot? Et le moment venu, il donnera selon la situation. Mais là, il précise, mais avec cette éventualité-là. Ça va revenir à une règle qu'on a déjà vue, mais ça doit être un peu lointain chez vous. C'est Al-Manfa'a et Al-Maslaha. Ida kana li-gharadin sahih. Si c'est pour une sagesse authentique, c'est valable. C'est comme quand on disait quand on conditionne. On avait parlé de ça à un moment, ça revient à ça. S'il y a une sagesse derrière ça et un but louable, valable, alors oui. Est-ce qu'ici on pourrait expliquer pourquoi 1000, pourquoi 3000? On pourrait argumenter ou pas? Oui, on peut argumenter, donc c'est valable. Comment on argumenterait? Si son père est vivant, il lui donne 1000 parce que dans le cas où il y a un problème, est-ce qu'elle a où aller? Est-ce qu'elle a une personne qui va l'entretenir ainsi de suite? Oui, son père. Et dans le cas où il est décédé, elle donne 3000 parce que elle n'a plus son père qui pourrait l'aider. Vous comprenez? Donc là, vu qu'il y a cette sagesse, cette explication valable, c'est valable. C'est valable. Il nous reste une question. Est-il permis de retarder la dot? Est-il permis de retarder la dot ou une partie de celle-ci? Par exemple, l'homme se marie ce soir. Et ce soir, il donne également, donc la dot c'est 2000 euros. La dot c'est 2000 euros. Et lui, il donne 250 euros et il dit l'année prochaine je donne 250 euros. Et dans 2 ans je donne 250 euros, dans 3 ans et ainsi de suite. Il paye en 4 fois. Ça vous fait rire? Il paye en 4 fois. Avec des intérêts ou sans intérêt? Sans intérêt. On ne peut pas dire par exemple, je devais mettre 4 ans, je mets 2 ans, je te donne que 700 euros. Non. Tu dois donner 1000 euros. On a dit 1000, c'était ça? 2000. Non. Est-ce que c'est valable ou pas? Ou bien la dot c'est 2000 euros mais il ne donne rien. Et il a 3 ans pour donner les 2000 euros. Ou dans 3 ans il donne 2000 euros. Est-ce que c'est valable? C'est valable. D'accord? C'est valable si la femme accepte. C'est valable si la femme est d'accord parce que c'est son droit à elle. C'est à elle de dire si elle est d'accord ou non. Si elle est d'accord, c'est valable. Si elle n'est pas d'accord, elle est en droit de refuser cela comme dot. Là, on a cité l'exemple où il a défini la date. Un autre exemple. Il dit, je te donnerai ta dot plus tard. Et elle accepte. Ou je te donne 1000 maintenant et je te donnerai 1000 plus tard. Est-ce que c'est valable? L'autre, tout à l'heure, c'était 4, dans 4 ans. Et là, c'est 100, là, c'est indéfini, indéterminé. Est-ce que c'est valable ou pas? Non? Vous êtes d'accord? C'est valable si elle accepte. Proche de cela, dans le chapitre, dans l'étude du commerce, ça, c'est pas valable. Mais le chapitre du mariage est plus large que celui du commerce. Dans le commerce, tu dis par exemple, je t'achète ce téléphone et je te paye dans un an. Ou je te donne 200 euros maintenant et je ne sais pas combien ça coûte, j'ai oublié. 300 euros par exemple à la fin de l'année. Est-ce que ça c'est valable? C'est valable. Mais dans le cas où il lui dit je te donne 200 euros maintenant, ou bien dans le cas où il dit je te prends le téléphone et je te paye plus tard. Et ils ne mettent pas de date. C'est pas valable. Il faut définir cette date-là. Il faut définir cette date-là. D'accord? Mais pour le mariage, ce n'est pas une obligation. Parce que le chapitre du mariage est plus large, plus vaste que le chapitre du commerce dans ce point-là. Donc c'est valable. D'accord. Dans le cas où il ne lui a pas encore donné. Non. Et qu'elle se plaint, est-ce que lui il est blâmable? Est-ce qu'il est en tort ou pas? Il est dans la faute ou pas? Par exemple, ça fait 5 ans, il ne lui a pas encore donné. Est-ce qu'il est dans la faute ou pas? Elle est en droit de se plaindre, ça veut dire qu'il est dans la faute. Ou elle ne l'est pas. Ce sont les... Vous deux, qu'est-ce que vous dites? Elle n'a pas le droit? Elle a changé de... A pas le droit de se plaindre. Masha'Allah. Donc, vous êtes d'accord avec eux ou pas? Oui? Tout le monde est d'accord? Toi, tu as du mal à être d'accord. T'es d'accord ou t'es pas d'accord? T'es pas d'accord? À moitié? Elle a le droit de se plaindre donc. Pourquoi? C'est pas assez? Comment? Elle a trop attendu. Changer de trappe, tu peux laisser la place. Non, tu peux laisser la place. Vous de même. Elle n'est pas en droit de se plaindre. Pourquoi? Parce que c'était son droit. Et elle, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a accepté. Donc elle n'est pas en droit de se plaindre. Ça, c'est scientifiquement parlant, religieusement parlant. Quant à la réalité des faits, ce n'est même pas une question à poser. Hein? Dans le cas où il ne l'a pas encore donné, qu'il tarde énormément, comment ça se passe? Il y a bien une fin à chaque chose, non? À presque chaque chose, il y a une fin, n'est-ce pas? Dans Dunia, il y a une fin à chaque chose ou pas? Donc, comment ça se passe? Les ulama disent soit il y a un délai, arrivé à ce délai-là, il doit donner et elle peut réclamer. Dans le cas contraire, ind al-firaq. Dans le cas contraire, c'est lors de la séparation. Qu'est-ce que ça veut dire lors de la séparation? J'ai pas entendu. S'il doit y avoir une séparation entre les deux. Mais comment? Un divorce. Donc, arrivant au divorce, qu'est-ce qu'on va imposer à l'homme à ce moment-là? De payer la dot. Est-ce que c'est compris? Donc là, pendant 5 ans, elle ne peut pas se plaindre. Par contre, si le divorce a lieu dans un mois après, est-ce qu'il est obligé de payer? Il est obligé de payer, même si c'est un mois après. Alors que 5 ans après, on le laisse tranquille. Pourquoi? Parce que le délai, s'il n'est pas fixé, au plus tard, c'est l'heure de la séparation. Au plus tard. Donc, s'il y a le divorce, il doit payer. Donner la dot. Ça, c'est un cas. Un deuxième cas, elle monte. S'il y a le décès. S'il y a le décès, on devra prendre de ses biens et lui donner la dot avant de faire, yani, par exemple, le partage de l'héritage ou autre. Ça peut être al-fasr, l'annulation du mariage. S'il y a une chose qui amène à l'annulation du mariage, il devra donner la dot. Même si c'est très peu de temps après. Même si c'est très peu de temps après. Pour finir, un cas qui m'est étrange, j'ai pas, en ce sens, j'ai jamais vu ça malgré mon rôle que vous savez, on nous contacte pour faire les mariages. Le dernier était le mariage aujourd'hui de notre frère Dambele, Khalidahullah Ta'ala, puisse Allah Azza wa Jal bénir son union avec son épouse et mettre la baraka dans leur mariage, leur accorder tout le bien, repousser de tout le mal. Et qu'il accorde la même chose à ceux qui sont déjà mariés, qui s'avancent dans le mariage. Est-ce que le père de la mariée peut donner la dot? Deuxième question, est-ce que le père de la mariée peut dire au marié, Yanni, tu as donné tant, le reste c'est moi qui m'en occupe. En d'autres termes, est-ce que le père peut donner ce que l'époux devait donner? Vous avez compris la situation? Elle demande en dot 500 euros. Le mari dit, et elle demande en dot, 500 euros, le mari dit, je n'ai pas, au cas là, ainsi de suite. Elle dit, non, moi je veux 500 euros. Ou bien le père dit, chez nous, c'est 500 euros. Toutes ces sœurs sont mariées, sur cette dot-là, je ne veux pas, elle lui donner. Il dit, je n'ai pas les moyens, Kada, est-ce que vous pouvez me laisser sur 2 mois, 3 mois? Il dit, non, donc ce soir, il y a un indirect. Parce qu'elle va acheter, par exemple, préparatifs, les vêtements. Puis le père part, et il prend de son argent 500 euros, et il donne au prétendant. Le prétendant, il dit, donc oui, est-ce que ça, c'est bon ou pas? Oui? Non. Vous avez eu ça, vous? Hein? Vous avez déjà vu ou pas? Non? Chez nous, en tout cas, tu ne vois pas ça. À la kulli hal, c'est valable. Naam, c'est valable. Ibn Asim, rahimahullah ta'ala, a mentionné une histoire dans ce cours-là. Il dit, subhanallah, il y a un moment, un mariage a eu lieu avec un riyal. Sachant que 1 euro, naam, c'est environ 4, on va arrondir, on va dire c'est 4 riyal. 1 euro, c'est 4 riyalat. Saoudien. Et avant, ce n'est pas les moyens qu'il y a maintenant. Il dit un mariage à 1 riyal. Un mariage à 1 riyal. Donc ils ont fait le mariage et on a demandé c'est quoi la dot. Ils ont dit 1 riyal. Naam. Et il raconte, il dit, plus tard, elle a entendu du bruit à la porte, ça a sonné, il a ouvert, et elle a entendu du bruit, une dispute. Donc elle demande, que se passe-t-il? C'est un homme qui était venu réclamer de l'argent à son époux qui lui devait. C'était quoi la somme? C'était 1 riyal. Ils sont disputés, elle est partie, elle a pris son riyal, elle a donné à son époux pour qu'il donne, pour qu'il rembourse sa dette. 1 riyal. Et Shir dit, subhanallah, la dot c'était 1 riyal. Il dit, regardez les situations des gens, comment elles étaient avant. 1 riyal, Ismail. Naam. Et ce même riyal-là, elle l'a donné pour son mari, pour le sortir de ce problème. Allahu musta'an. Hada wa sallallahu wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Walhamdulillahi rabbil alamin. Je voulais vous mentionner une histoire sur la dot, mais on a pris trop de temps. Alhamdulillah.